nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKP pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gerio Hervué, l'émission 417. Et aujourd'hui, Henri va nous parler du mot risclant. Oui, alors, c'est un peu... L'autre jour, j'ai failli... j'ai failli risquer, comme on dit, en français régional. Et donc, ça m'a fait penser au verbe risclant, donc qui veut dire glisser, hein. Glisser. Alors c'est un mot d'origine celtique. En fait, c'est une racine, un riscle, qui désigne tout ce qui est glissant d'une façon ou d'une autre, et qui a donné ce verbe, un risclant, hein, glisser. Alors c'est un verbe dont l'infinitif en fait s'écrit également comme risclant, risquer. Hein. Donc des fois il y a une confusion entre les deux verbes. Donc risclant, glisser, hein, participe passé, riscle, hein, riscle de meuse, voire escorne, hein, j'ai glissé sur la glace, hein, voilà. Diwald risclant, hein, attention de ne pas glisser, hein. En breton on dit attention de glisser, diwald risclant, hein. Voilà, diwald risclant, voire un doux arscorne, hein, diwald vard, hein. Donc, C'est un verbe qui est très utilisé, hein, surtout en hiver, hein. Risclant war len, hein, c'est-à-dire glisser sur l'étang, sur le lac, hein. Il y a eu plusieurs chansons sur ce thème-là, d'ailleurs, hein, sur Stangenijen, hein, une personne qui était tombée dans la glace, hein, et qui s'était noyée, quoi, hein, un chasseur, hein, donc. On glisse et puis si la glace casse, on risque de se noyer, quoi. En 1727, d'ailleurs, on avait enterré à Pommery dans l'église Pierre de Loz, hein, qui était Loz de Beaucourt, hein, qui s'était noyé comme ça. Voilà. Alors, il y a donc à partir de cette racine riscle là, qui est d'origine celtique, on va retrouver pas mal de mots, par exemple riscladac. Hein, riscladec, c'est une glissade, hein, volontaire ou involontaire, parce que ça désigne le patinage aussi. C'est un mot féminin, hein, riscladec, hein, donc une glissade ou le fait de patiner qui est volontaire, hein, enfin volontaire maintenant, hein, ça, autrefois ça se faisait pas beaucoup, sauf un peu les gamins aimaient bien, mais c'est sur les mares et les étangs, quoi, c'est assez dangereux, quoi. Il faut vraiment des hivers très rigoureux, quoi. Voilà. On emploie souvent aussi risque tout court, par exemple, pour un glissement de terrain, on va dire risque doua. Ou alors un glissement de pierre, risque meigne, hein, voilà. Alors, le mot glissement se traduit aussi par riscladur, hein, qui est un mot masculin et qui désigne aussi l'avortement. Riscladur, hein. Voilà, de façon imagée, quoi. Hein. Risclenur, c'est... Alors là, on voit pas trop la suite logique. C'est un mot masculin qui veut dire un chicaneur, un pinailleur. Risclenur, hein. Alors que pour simplement le glisseur, le patineur, on va dire risclour ou riscleur, hein. Une glissière aussi, comme les glissières qu'on trouve au bord des routes, hein, on va dire riscléres, hein. Donc c'est riscleur avec un féminin, hein, riscléres. Alors l'adjectif risclus, hein, risclus qui est glissant, oui, voilà. Alors, il y a aussi un verbe d'irisclant qui est déraper, hein, avec un participe passé d'iriscle aussi, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi un verbe dérivé aussi, risclussant, qui veut dire tituber sur de la glace, par exemple, glisser à chaque pas, quoi.

un jeune homme, là, c'est l'herminier, non? Qui est, l'herminier, oui, qui fait ça de façon... C'est remarquable. Remarquable, oui. Voilà. Et ben, les enfants faisaient déjà ça, quoi. Il y a beaucoup, alors, il y a beaucoup de choses sur la danse aussi, hein. Elle dit, par exemple, qu'ils n'ont pas eu besoin d'apprendre à danser, que c'était la musique qui leur donnait des ailes, hein. Donc, il n'était pas nécessaire d'apprendre à danser. Et j'ai retrouvé ça, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps des gens parler de ça, quoi, sur cette façon spontanée d'apprendre à danser, quoi. Parce que maintenant, on donne des cours de danse, mais à l'époque, les gens apprenaient comme ça. Hein. Voilà, donc, pour moi, une poésie qui est très intéressante, quoi, et qui conviendrait bien, je pense, pour... par exemple, pour des enfants qui apprendraient le breton, je pense que ça conviendrait très bien. Surtout avoir à la fois le tableau et la poésie. Alors, il y a déjà des écoles qui ont travaillé là-dessus. Hein. Ah oui. Il y a déjà des écoles qui ont travaillé là-dessus, quoi. Mais je trouve que c'est, en plus, c'est quelqu'un du pays et puis qui a fait beaucoup de choses. Voilà. Alors, il y a trois tableaux de Simone Lemoyne dans l'église de Trégornant. Ah. Est-ce qu'il existe un recueil de ses poèmes? Oui. Il y a un livre, donc, avec justement cette série de tableaux et les poèmes correspondants, quoi. D'accord. Qui avait été publié dans les années 90, quoi. Voilà, qu'on doit encore pouvoir trouver, quoi. Ben voilà, un petit tour sur Simone Lemoyne, poète ou poétesse. Hein. Très bien. On passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonevervro. Troisième partie d'émission, Petra Zonevervro, Eri. Quand se drogue zo nevervro et vel juste boervej diouzan, krogom de diantan vel custum, non alar bourdouar hag vu e war ar mez. Tostad ram bremon de ze nam neve amzor, quel et ve déjà blenio un neve amzor o tisko yo vri. Ar gwan e ke begwal yin, hein, met bezo arve la glo, o bern, hein, mameus, hein, pelzo wa ke betie medel, Ar me war an uel neus ket bet reol eus roug, ma meus tra, met war an izel vel bar kemperle, zo bet kol e kalz e draug an un dour beuz. Hag un tamm deus kastel pondi zo kwet un deel, ar vargar deus e hastel, a kalz e frej o evo evit hadze vel e vargar ze. Ma trezen peus klev et George Belz un deel war wargen ou RKB a RBG, an eus komz e deus e, an eus displeg e mat perek, Ou à quoi d'avoir encore, hein. Puis c'est un mot d'où avec de Magoria ou Banahast, elle dit ça. À Péreg, et sans sub de Zendour, puis Goyan Dour, très aimé. Puis avec causé de Zendour, et vel juste à Jonjin de ce pesqueteres, hein. Puis disons, prestige Voguel de Adari, leur pesqueterien, neige de Vismeurs, vos digores de leur pesqueteres, avec Voguel de Ur besketerien war rible n'dour, war rible ur stereo. A gwechel war amme, ba vro amme, ur pesketer bru de tre, se zo kand la so, hein, met de bon beveneuz tost gand la, hag oa iwan brenber. Iwan brenber, i fam iwa de spurud, met eloa de chom de labourad ba rostren, a derrere gand livreg, hôtel Honvers, hein, puis hôtel le Joncourt Gouédard, puis il y aurait voir Gouédard, avec un tise zo énorme, puis il y aurait énormément un dia de Le Gouen, hein, voir Blasen, puis un inhérus de bas Rostren. A Guiwan de Brenberg, ou un din, un esgret Kalsdrow, donc de Gond Totard, toute pèse esgret, mais de plusieurs aidants, dont de Bisquetade, ou Argoage, ou Purud à la Rune, war blaves a dreistol war gwaz an ere rouz de l'arade stangelor ster lor de stangelor te mez sterz hag i oan a brenn bern i oa zarved ar gant oan vid ar pesketerien hag vid gwaz an ere rouz hag l'are ur pesketer koz deus dierne er uel war fini amzer Han aven ma de bar ze hontrid re han oui bonne brenber. De skost janteur non ze laken i jonge rogmont te vons. Dobor ar i moustad en vi de besket erien. Or pesqueter, eux au condam, ne pierre à une bord de steer. De la cadise, onge grande pisque, de l'escoli du buyou badière. À ma grogonne, l'usen, un igay, on un pénifusugan. Ma et orguir, besqueter, de les noms ni bonheur. C'est-tu, grand-là, ils ont pelle, ils ont avisé. Mais de, comme vous aurez justement, de ce plija du repesqueter, y en a. À go, or grand-là, un écologue, les, dit, aura de, pessamo, diwal, de zeur, gouage, ou à tout. À plus justré, or grand-là, un zeur. Bon, et vel juste, rog vodigour, d'or besqueter, ze vos airs, d'or chasser. Ag, mais quand ze chasseur, y en a eu vé pesqueter, y en a dit, le plus jeune, il grand épas de blanc. Pégom, zant de chasse, et, de ce que voit le belzo, oua, bah, vos gours, campion, nat, breux repas, vie de chasse, de chasse, et, ag, mode, bah, rostrain, mode, zoet, quand on hie, de ce rostrain, pétant, man, on hie, zo, don, de ce rostrain, ag, zo, haunet, hein, so, de zo, wen, pointer, ag, zo, haunet, gueller. Mais que fal vi haun or hi, gwella. Hag edi ar maug gantan, edi ar maug an hi, hag hiz, per an hiz zo de loui kwad, e loui kwad melek. Bon, vejenant zo blich din kom zdar de ze gist, pe dur gist, bon zo nevaj matri, hag zo bet gwejel, or sort de vaj broad le vid vreton dedan. Ne oa ke gwejel na gwin, na bir, war an dol, mais juste à cause qu'on a oué nous au Bégret hein, ou à Régis et fait l'Evgiste à l'eau Evgiste à l'eau Régis au mat non là Evgiste à l'eau Régis au mat à Hendel zo or gant oué nous ar ouet ar ouen aval à zo bezavet gant or facteur de ze gronvel ou à rang de koli qui rang hag el arre Régiste zo liqueur à pv pur. Euran erster pays en dakal ze blige à dur. Bon, or grand oen hir, eh, hag, bon, plus justré, hein, hag un ton de bras, à war registre. Mais tant ma tante, bénéfine, or gist, ou abedile ze bavro, goyal, ou kals de ze goyal, ou zo bed discal, hag vroton de, neus non lak de evan guin, pe bir, pe mi ou armi petar, hein. Aya, Alice, Pévigène, d'une, roi, boulot, vigé, even, rouge lim, bah, bistro, hein, rouge lim, guine rue, à limonade. Bon, mais vélo chance, zobide, zavet case, tire, campus, bavro, ag, ban, tire, campus, vech, et chombe de riz, à évangiste. A, c'est tu, tant ma tante, vé, gwel, rat, gwel, d'orgiste, war, antolio, ag, bon, armand, bon, bablada ou viltrisek, ne scresque de, urgis, de swear dragon, brouvrant ze bis. Bis somad, hein. Ag, gis, zo gret, gant stalio bras, vel loïg raison, mais, y fait gant artisan, d'un wardro, wer gant zo, brouvrant ze bis, à calz de ses, ou vel juste, brace, ag, bro normandie. Ne scu quoi le belzo, vi chombre à dash en de la bourdoua, Bassan Nicolas ou lead de Hunter Canvla Huma Kuma du Pelem de l'arrêt tu dans le lac de non lac de Sembles et ville Labourin d'Endour croue de Wabi de Huma ce grand Jean Kerry babla tri à Triugen ag Krog ou un trog en train en tracteur ag Binjou de Huy ag Hantar kan la waler zo bopet seiz ezel ba humaz. Ma evel juz o mur zo ar evel juz vid de houls. Vejenam zo regont an dar deus bouet de vro hag da skouir deus pat e gret gant stal enaf. E gal hag vigelard enaf le pate du mataf. A bromen vo kas de pate enaf pe bouet bopet gret gant enaf de gant gos monotet. Ma treize ne peut se goelzer. A grâce au pel, bah, pel de zorbé, dame. Vos casses de bouée des naves quand de gosses monotes. Aziz on tôle brûlé, heureusement, de belles justes, vie de enaf. Bon, ouardache leur politique, et reste à rendre de votadegou, vie de parousio. Hag gwalvezi war gazeteno, hein, bem divet ud listeno, hein, parous yo zo nevek medolisten, l'er helz diou peter, was, diou peter, med an me drevraz ve kav tud vont war a rang me mestra. Si on me dir spir de un démocratel, un grand un dud, hag kal se dud zo non zougen evit mont de war a rang. Med vid barouj yo bien vel... Vel purut très mal, gad pezan e goud, non, ma trezen vo vej diouzan, ma ve di gemeret gan a vote de lezen, un dant ve lezen, zo kiniget gan kevridigus Meriou Bro France, un AMF, un Association des Maires de France, an eus gred un dant ve lezen, evit lakad de sambles o ne bet parouj o vid or onan. Hag, bon, kom je ved eus or parouj o gan... P. Milden, P. 10, j'irai fait par rouge au bras, très hein, les dents, ou elle vaut pessamo de vos comptes. Bon, peut-être vite d'or, vigement, bon, peut ne change au que d'une trois, ou à vos meilleurs de mames par rouge au. Né vaisseau, puis vais comme ze de, il m'en entend, moi, d'achat de Zévinadio, zo, strolat BCD, zo, Bretagne, diversité, Bretagne culture diversité, un esgrède au sondage, et vite good, a gagné war et un, bapé sa stade, ou a zivina d'urbreis, mais ce que vretonnet. A zo goul le traufen, tu s'grand l'endu, da square zo goul le grand, grand et, ma war un pet oa or biniou, a zo pem zog a perrug un dragon de zendu da war petra et or biniou. Mais me mestra zo, breis en me zo pem dragon de zendu da ne war un que petra et or biniou, pe se joué, zus mestra. da skouer tri ugen dregan ne war petere ur fes de. Mais ira da ugen dregan an ur an ke petere. Bon, hag sondage se vo gred bep tri beberble de vel d'an gen an tro war og pe tam an ma chom an ma meus mod. A c'hoer dregan ne zun du de gomz brezan ne pez ne ke kals ben e fin. Me meus tra ze aziz ke ne ke bet de ben Jacobine de beurz istru jean brezan ne. Bon, de war nugen de ze vreton, de war o nebet gerriou de ze brezon neug. Ze ve gwell da liz gant de pen ou braz, pe ve gred o breze gant gantai, en kap te lard, blavez mat, ken avo pe hier mat. Me benefin, ne war an ket na bu na ba ve la fe Jean-Pierre Guyad ar vechen amzant. Bon, vichon war da chen ze venadur, prestig vo hat krog e mamez un pelar in mat kan ur bob hein puis dur zo bid em vod ou on tamm pe blair déjà hag ba fin misebel vo chuet ba pondi et vel be plat un blanc me zo war ne vo ke gred ne mand be ba hastel hein puis dur donc moyen d'un ba hastel zo war mais ba pondi vo gred bon pet hag rog et vel juste vo bid un em vod ba bel carrez et vid ur vroman a gaze vo gwell kalze gonterien a bugal e a kanerien a zonerien hag vo gwell da pegen be e hoas zevena dur ur vro. Bon, kalze drau ve fe bit de l'ar a droaz, me ma trezen e aï pointin e chu e gaze, a set ilar an dar ken ar vegel, chilo erien er kabe. Ken ar vegel, Eri.